pembe na ni mokolo. General Zabira DRTV. Faut pas confondre rêver sa vie et vivre ses rêves. Bouboule yonde la cabé tembo à l'oubonio ma cabé chitea. Alain Barakuda. Otoroba. Jésus pour la mambo. Didier Petit. Denis de Bambongo. Luc et Wingi Temoni, Hubert Ibangai. Nalantina Nini Kouina, Aina Kankanda, Pekanda, Kangela Kakouina Kandai, Ana Jadona Sai Sai, Jojo King Digital, Jojo Mouya qui vivra Vera. Bino Bana Ista, Bana Mouchetu. Jean-Jacques Moutoualé, Marie Panalondre, Anitimambote. La vérité. somebody.